Chapitre 3. Clergé régulier, origine de la vie monastique. S'il est vrai, comme on pourrait le croire, qu'une chose soit poétiquement belle en raison de l'antiquité de son origine, il faut convenir que la vie monastique a quelque droit à notre admiration. Elle remonte aux premiers âges du monde. Le prophète Élie, fuyant la corruption d'Israël, se retira le long du Jourdain, où il vécut d'herbes et de racines, avec quelques disciples. Sans avoir besoin de fouiller plus avant dans l'histoire, cette source des ordres religieux nous semble assez merveilleuse. Que n'eussent point dit les poètes de la Grèce s'ils avaient trouvé pour fondateur des collèges sacrés un homme ravi au ciel dans un char de feu et qui doit reparaître sur la terre au jour de la consommation des siècles. De là, la vie monastique, par un héritage admirable, descend à travers les prophètes et saint Jean-Baptiste jusqu'à Jésus-Christ, qui se dérobait souvent au monde pour aller prier sur les montagnes. Bientôt les thérapeutes, embrassant les perfections de la retraite, offrirent près du lac Méris, en Égypte, les premiers modèles des monastères chrétiens. Enfin, sous Paul, Antoine et Pacôme, paraissent ces saints de la Thébaïde, qui remplirent le Carmel et le Liban des chefs-d'œuvre de la pénitence. Une voix de gloire et de merveille s'éleva du fond des plus affreuses solitudes. Des musiques divines se mêlaient au bruit des cascades et des sources, les séraphins visitaient l'anachorète du rocher, où enlevait son âme brillante, sur les nues. Les lions servaient de messagers aux solitaires, et les corbeaux lui apportaient la manne céleste. Les cités jalouses virent tomber leur réputation antique. Ce fut le temps de la renommée du désert. Marchant ainsi, d'enchantement en enchantement, dans l'établissement de la vie religieuse, nous trouvons une seconde sorte d'origine que nous appelons locale, c'est-à-dire certaines fondations d'ordres et de couvents. Ces origines ne sont ni moins curieuses ni moins agréables que les premières. Aux portes même de Jérusalem, on voit un monastère bâti sur l'emplacement de la maison de Pilate. Au mont Sinaï, le couvent de la Transfiguration marque le lieu où Jéhovah dicta ses lois aux Hébreux. Et plus loin s'élève un autre couvent sur la montagne où Jésus-Christ disparut de la terre. Et que de choses admirables l'Occident ne nous montre-t-il pas, à son tour, dans les fondations des communautés, monuments de nos antiquités gauloises, lieux consacrés par d'intéressantes aventures ou par des actes d'humanité. L'histoire, les passions du cœur, la bienfaisance, se disputent l'origine de nos monastères. Dans cette gorge des Pyrénées, voilà l'hôpital de Roncevaux, que Charlemagne bâtit à l'endroit même où la fleur des chevaliers Roland termina ses hauts faits. Un asile de paix et de secours marque dignement le tombeau du preux qui défendit l'orphelin et mourut pour sa patrie. Aux plaines de Bovine, devant ce petit temple du Seigneur, j'apprends à mépriser les arcs de triomphe des Marius et des Césars. Je contemple avec orgueil ce couvent qui vit un roi français proposer la couronne aux plus dignes. Mais aimez-vous les souvenirs d'une autre sorte? Une femme d'Albion, surprise par un sommeil mystérieux, croit voir en songe la lune se pencher vers elle. Bientôt, il lui naît une fille chaste et triste comme le flambeau des nuits, et qui, fondant un monastère, devient l'astre charmant de la solitude. On nous accuserait de chercher à surprendre l'oreille par de doux sons si nous rappelions ces couvents d'Aquabella, de Belmonte, de Vallombreuse, ou celui de la Colombe, ainsi nommé à cause de son fondateur, Colombe céleste qui vivait dans les bois. La Trappe et le Paraclet gardaient le nom et le souvenir de Comminges et d'Héloïse. Demandez à ce paysan de l'antique Neustrie quel est ce monastère qu'on aperçoit au sommet de la colline. Il vous répondra, c'est le prieuré des deux amants. Un jeune gentilhomme étant devenu amoureux d'une jeune damoiselle, fille du châtelain de Malmain, ce seigneur consentit à accorder sa fille à ce pauvre gentilhomme, s'il pouvait la porter jusqu'au haut du mont. Il accepta le marché, et chargé de sa dame, il monta tout au sommet de la colline. Mais il mourut de fatigue en y arrivant. Sa prétendue trépassa bientôt par grand déplaisir. Les parents les enterrèrent ensemble dans ce lieu, et ils y firent le prieuré que vous voyez. Enfin, les cœurs tendres auront dans les origines de nos couvents de quoi se satisfaire, comme l'antiquaire et le poète. Voyez ces retraites de la charité, des pèlerins, du bien mourir, des enterreurs de morts, des insensés, des orphelins. Tâchez, si vous le pouvez, de trouver dans le long catalogue des misères humaines une seule infirmité de l'âme ou du corps pour qui la religion n'ait pas fondé son lieu de soulagement ou son hospice. Au reste, les persécutions des Romains contribuèrent d'abord à peupler les solitudes. Ensuite, les barbares, s'étant précipités sur l'Empire et ayant brisé tous les liens de la société, il ne resta aux hommes que Dieu pour espérance et les déserts pour refuge. Des congrégations d'infortunés se formèrent dans les forêts et dans les lieux les plus inaccessibles. Les plaines fertiles étaient en proie à des sauvages qui ne savaient pas les cultiver, tandis que sur les crêtes arides des monts habitait un autre monde qui, dans ses roches escarpées, avait sauvé comme d'un déluge les restes des arts et de la civilisation. Mais de même que les fontaines découlent des lieux élevés pour fertiliser les vallées, ainsi les premiers anachorètes descendirent peu à peu de leur hauteur pour porter aux barbares la parole de Dieu et les douceurs de la vie. On dira peut-être que les causes qui donnèrent naissance à la vie monastique n'existant plus parmi nous, les couvents étaient devenus des retraites inutiles. Et quand donc ces causes ont-elles cessé? N'y a-t-il plus d'orphelins, d'infirmes, de voyageurs, de pauvres, d'infortunés? Ah, lorsque les maux des siècles barbares se sont évanouis, la société, si habile à tourmenter les âmes et si ingénieuse en douleur, a bien su faire naître mille autres raisons d'adversité qui nous jettent dans la solitude. Que de passions trompées, que de sentiments trahis, que de dégoûts amers nous entraînent chaque jour hors du monde. C'était une chose fort belle que ces maisons religieuses, où l'on trouvait une retraite assurée contre les coups de la fortune et les orages de son propre cœur. Une orpheline abandonnée de la société, à cet âge où de cruelles séductions sourient à la beauté et à l'innocence, savait du moins qu'il y avait un asile où l'on ne se ferait pas un jeu de la tromper. Comme il était doux pour cette pauvre étrangère sans parents d'entendre retentir le nom de sœur à ses oreilles. Quelle nombreuse et paisible famille la religion ne venait-elle pas de lui rendre? Un père céleste lui ouvrait sa maison et la recevait dans ses bras. C'est une philosophie bien barbare et une politique bien cruelle que celles-là qui veulent obliger l'infortuné à vivre au milieu du monde. Des hommes ont été assez peu délicats pour mettre en commun leur volupté. Mais l'adversité a un plus noble égoïsme. Elle se cache toujours pour jouir de ses plaisirs, qui sont ses larmes. S'il est des lieux pour la santé du corps, ah, permettez à la religion d'en avoir aussi pour la santé de l'âme. Elle, qui est bien plus sujette aux maladies, et dont les infirmités sont bien plus douloureuses, bien plus longues et bien plus difficiles à guérir. Des gens se sont avisés de vouloir qu'on élevât des retraites nationales pour ceux qui pleurent. Certes, ces philosophes sont profonds dans la connaissance de la nature, et les choses du cœur humain leur ont été révélées, c'est-à-dire qu'ils veulent confier le malheur à la pitié des hommes et mettre les chagrins sous la protection de ceux qui les causent. Il faut une charité plus magnifique que la nôtre pour soulager l'indigence d'une âme infortunée. Dieu seul est assez riche pour lui faire l'aumône. On a prétendu rendre un grand service aux religieuses et aux religieuses en les forçant de quitter leur retraite. Qu'en est-il advenu? Les femmes qui ont pu trouver un asile dans des monastères étrangers s'y sont réfugiées. D'autres se sont réunies pour former entre elles des monastères au milieu du monde. Plusieurs, enfin, sont mortes de chagrin. Et ces trappistes, si à plaindre, au lieu de profiter des charmes de la liberté et de la vie, ont été continuer leur macération dans les bruyères de l'Angleterre et dans les déserts de la Russie. Il ne faut pas croire que nous soyons tous également nés pour manier le hoyau ou le mousquet, et qu'il n'y ait point d'homme d'une délicatesse particulière qui soit formé pour le labeur de la pensée, comme un autre pour le travail des mains. N'en doutons point, nous avons au fond du cœur mille raisons de solitude. Quelques-uns y sont entraînés par une pensée tournée à la contemplation, d'autres par une certaine pudeur craintive qu'il fait qu'ils aiment à habiter en eux-mêmes. Enfin, il est des âmes trop excellentes qui cherchent en vain dans la nature les autres âmes auxquelles elles sont faites pour s'unir et qui semblent condamnées à une sorte de virginité morale ou de veuvage éternel. C'était surtout pour ces âmes solitaires que la religion avait élevé ses retraites. Chapitre 4. Des constitutions monastiques. On doit sentir que ce n'est pas l'histoire particulière des ordres religieux que nous écrivons, mais seulement leur histoire morale. Ainsi, sans parler de saint Antoine, père des Cénobites, de saint Paul, premier des Anachorètes, de sainte Synclétique, fondatrice des monastères de filles, sans nous arrêter à l'ordre de saint Augustin, qui comprend les chapitres connus sous le nom de réguliers, à celui de saint Basile, adopté par les religieuses et les religieuses d'Orient, à la règle de saint Benoît, qui réunit la plus grande partie des monastères occidentaux, à celle de saint François, pratiquée par les ordres mendiants. Nous confondrons tous les religieux dans un tableau général, où nous tâcherons de peindre leurs costumes, leurs usages, leurs mœurs, leur vie active ou contemplative, et les services sans nombre qu'ils ont rendus à la société. Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de faire une observation. Il y a des personnes qui méprisent, soit par ignorance, soit par préjugé, ces constitutions sous lesquelles un grand nombre de cénobites ont vécu depuis plusieurs siècles. Ce mépris n'est rien moins que philosophique, et surtout dans un temps où l'on se pique de connaître et d'étudier les hommes. Tout religieux qui, au moyen d'une aire et d'un sac, est parvenu à rassembler sous ses lois plusieurs milliers de disciples, n'est point un homme ordinaire, et les ressorts qu'il a mis en usage, l'esprit qui domine dans ces institutions, valent bien la peine d'être examinés. Il est digne de remarque, sans doute, que de toutes ces règles monastiques les plus rigides ont été les mieux observées. Les Chartreux ont donné au monde l'unique exemple d'une congrégation qui a existé 700 ans sans avoir besoin de réforme. Ce qui prouve que plus le législateur combat les penchants naturels, plus il assure la durée de son ouvrage. Ceux, au contraire, qui prétendent élever des sociétés en employant les passions comme matériaux de l'édifice, ressemblent à ces architectes qui bâtissent des palais avec cette sorte de pierre qui se fond à l'impression de l'air. Les ordres religieux n'ont été, sous beaucoup de rapports, que des sectes philosophiques assez semblables à celles des Grecs. Les moines étaient appelés philosophes dans les premiers temps. Ils en portaient la robe et en imitaient les mœurs. Quelques-uns même avaient choisi pour seule règle le manuel d'Épictète. Saint Basile établit le premier les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Cette loi est profonde, et si l'on y réfléchit, on verra que le génie de Lycurgue est renfermé dans ces trois préceptes. Dans la règle de saint Benoît, tout est prescrit, jusqu'au plus petit détail de la vie. Lit, nourriture, promenade, conversation, prière. On donnait aux faibles des travaux plus délicats, aux robustes, de plus pénibles. En un mot, la plupart de ces lois religieuses décèlent une connaissance incroyable dans l'art de gouverner les hommes. Platon n'a fait que rêver des républiques, sans pouvoir rien exécuter. Saint Augustin, saint Basile, saint Benoît ont été de véritables législateurs et les patriarches de plusieurs grands peuples. On a beaucoup déclamé dans ces derniers temps contre la perpétuité des vœux. Mais il n'est peut-être pas impossible de trouver en sa faveur des raisons puisées dans la nature des choses et dans les besoins mêmes de notre âme. L'homme est surtout malheureux par son inconstance et par l'usage de ce libre arbitre qui fait à la fois sa gloire et ses maux et qui fera sa condamnation. Il flotte de sentiment en sentiment, de pensée en pensée. Ses amours ont la mobilité de ses opinions, et ses opinions lui échappent comme ses amours. Cette inquiétude le plonge dans une misère, dont il ne peut sortir que quand une force supérieure l'attache à un seul objet. On le voit alors porter avec joie sa chaîne, car l'homme infidèle est pourtant l'infidélité. Ainsi, par exemple, l'artisan est plus heureux que le riche désoccupé, parce qu'il est soumis à un travail impérieux qui ferme autour de lui toutes les voies du désir ou de l'inconstance. La même soumission à la puissance fait le bien-être des enfants, et la loi qui défend le divorce a moins d'inconvénients pour la paix des familles que la loi qui le permet. Les anciens législateurs avaient reconnu cette nécessité d'imposer un joug à l'homme. Les républiques de Lycurgue et de Minos n'étaient en effet que des espèces de communautés où l'on était engagé en naissant par des vœux perpétuels. Le citoyen y était condamné à une existence uniforme et monotone. Il était assujetti à des règles fatigantes qui s'étendaient jusque ses repas et ses loisirs. Il ne pouvait disposer ni des heures de sa journée, ni des âges de sa vie. On lui demandait un sacrifice rigoureux de ses goûts. Il fallait qu'il aimât, qu'il pensât, qu'il agît d'après la loi. En un mot, on lui avait retiré sa volonté pour le rendre heureux. Le vœu perpétuel, c'est-à-dire la soumission à une règle inviolable, loin de nous plonger dans l'infortune, est donc, au contraire, une disposition favorable au bonheur, surtout quand ce vœu n'a d'autre but que de nous défendre contre les illusions du monde, comme dans les ordres monastiques. Les passions ne se soulèvent guère dans notre sein avant notre 4e lustre. À 40 ans, elles sont déjà éteintes ou détrompées. Ainsi, le serment indissoluble nous prive tout au plus de quelques années de désir pour faire ensuite la paix de notre vie, pour nous arracher aux regrets ou aux remords le reste de nos jours. Or, si vous mettez en balance les maux qui naissent des passions avec le peu de moments de joie qu'elles vous donnent, vous verrez que le vœu perpétuel est encore un plus grand bien, même dans les plus beaux instants de la jeunesse. Supposons d'ailleurs qu'une religieuse pût sortir de son cloître à volonté. Nous demandons si cette femme serait heureuse. Quelques années de retraite auraient renouvelé pour elle la face de la société. Au spectacle du monde, si nous détournons un moment la tête, les décorations changent, les palais s'évanouissent. Et lorsque nous reportons les yeux sur la scène, nous n'apercevons plus que des déserts ou des acteurs inconnus. On verrait incessamment la folie du siècle entrer par caprice dans les couvents et en sortir par caprice. Les cœurs agités ne seraient plus assez longtemps auprès des cœurs paisibles pour prendre quelque chose de leur repos, et les âmes sereines auraient bientôt perdu leur calme dans le commerce des âmes troublées. Au lieu de promener en silence leur chagrin passé dans les abris du cloître, les malheureux iraient se racontant leur naufrage et s'excitant peut-être à braver encore les écueils. Femme du monde, femme de la solitude, l'infidèle épouse de Jésus-Christ ne serait propre ni à la solitude ni au monde. Ce flux et reflux des passions, ces vœux tour à tour rompus et formés, banniraient des monastères la paix, la subordination, la décence. Ces retraites sacrées, loin d'offrir un port assuré à nos inquiétudes, ne seraient plus que des lieux où nous viendrions pleurer un moment l'inconstance des autres et méditer nous-mêmes des inconstances nouvelles. Mais ce qui rend le vœu perpétuel de la religion bien supérieur à l'espèce de vœu politique du Spartiate et du Crétois, c'est qu'il vient de nous-mêmes, qu'il ne nous est imposé par personne, et qu'il présente au cœur une compensation pour ces amours terrestres que l'on sacrifie. Il n'y a rien que de grand dans cette alliance d'une âme immortelle avec le principe éternel. Ce sont deux natures qui se conviennent et qui s'unissent. Il est sublime de voir l'homme né libre chercher en vain son bonheur dans sa volonté, puis fatigué de ne rien trouver ici-bas qui soit digne de lui, se jurer d'aimer à jamais l'être suprême et se créer, comme Dieu, dans son propre serment, une nécessité.